France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La ville, ses rues, sa lumière, ses habitants, ses trottoirs, son ciel, ses bruits, son rythme, ses voix, ses visages, ses bas-fonds et ses beaux quartiers. La ville le jour, la ville la nuit, ici et ailleurs. Le monde tel qu'il nous vient de ces villes à l'écran. Tokyo, Berlin, Séoul, Los Angeles ou Hong Kong. Le cinéma nous parle de la ville et au cinéma, la ville nous parle. Autant de villes que de cinéastes, autant de villes que de films. Le New York de Woody Allen, le Nantes de la Lola de Demy, la ville abstraite d'Antonioni, le Paris de Truffaut, de Rivette et de Godard, celui de Romère, les périphéries de Pasolini, la ville dans le regard de Wenders, Marseille de Guédiguian, Rome par Fellini, Alexandrie et le Caire dans les yeux de Chaïne. Comment une ville fait-elle naître un film? Comment la ville se construit-elle et se déconstruit-elle dans l'œil de la caméra? Comment la ville habite-t-elle le cinéma? Comment devient-elle l'actrice d'un film? Un film peut-il saisir une ville dans sa réalité? Des questions qui étaient posées à Daniel Dubroux, Pascal Bonitzer, Éric Romer et Georges Sebag dans un mardi du cinéma consacré à la ville au cinéma. La ville au cinéma, un mardi du cinéma de Colette Fellous, diffusé la première fois le 12 mars 1985 sur France Culture. Réalisation Claude Giovanetti. Jadis, cette maison était fraîche, pleine d'éclats de rire. Il en reste sûrement des bribes qui attendent d'être saisies. C'est merveilleux. Qu'est-ce qui est merveilleux? Paris n'existe pas. Tu veux dire? Je veux dire que nous existons, nous sommes continus, mais Paris, c'est un décor qui change, qui n'arrête pas de se transformer, alors que nous sommes éternels. C'est vrai, l'univers se disloque autour de nous. Nous ne bougeons pas. Nous n'en démordons pas de notre moi. Je ne suis pas de ton avis. Tu changes. Et drôlement. Je ne te reconnais plus. Tu es un autre. Tu as peut-être raison. Représente la ville par rapport à la campagne ou au... bon, puisque on oppose généralement ville et campagne, c'est que la ville représente une espèce de compactification des signes, de redondance, de profusion, enfin de foisonnement des signes, alors que la campagne c'est la raréfaction, hein, plutôt. Pascal Bonitzer. Enfin, quand je dis la campagne, je veux dire aussi bien, par exemple, le désert dans le western. Il y a une rareté des signes. On voit bien ça dans le western, la façon de traquer certains signes privilégiés, ce que représente. Bon. Au contraire, dès qu'il s'agit de la ville, il s'agit de faire une espèce de sélection dans un ensemble de bruits, dans un ensemble extrêmement redondant, dans une espèce de fouillis, de labyrinthe, enfin, où tout le monde est perdu. Où les gens se... Ce que représente l'espace d'un café, par exemple, ou ce que représente la rue, choses comme ça. Bon, il est évident que quelqu'un comme Godard est quelqu'un qui capte très bien les bruits. C'est quelque chose qui passe directement dans son cinéma, qui fait d'ailleurs que il oblige les techniciens, les ingénieurs du son, par exemple, les cinéastes à essayer de capter tout un ensemble de signaux sonores ou visuels en même temps, de telle façon que, de temps en temps, le sens se perd dans une espèce de bouillie, dans un bruitage qui peut être terrible, comme ça, et qui donne, finalement, quand on voit le résultat, comme ça, les films sur l'écran, qui donne un sens, mais... non pas des significations précises et déterminées à l'avance, lourdes, mais en tout cas, il y a chez Godard un sens aigu de ce que c'est que... Bon, enfin, au sens le plus bête, ce qu'on appelle comme ça les stress, stress urbain, enfin, quelque chose comme ça, enfin, ne serait-ce que les bruits de circulation, les bruits multiples de la ville dans leur chevauchement, dans le chevauchement des signes, les choses qui fait que le sens se perd à tout instant, qu'on n'arrive pas à s'écouter, qu'on n'arrive pas à s'entendre, que entendre devient un problème, une question cruciale, c'est quelque chose qui me semble être au cœur du cinéma de Godard, techniquement parlant. C'est aussi, je crois, en rapport avec ça, qu'il demande des choses dont on a l'impression que c'est impossible, c'est-à-dire qu'il veut à la fois les paroles claires des personnages et en même temps la présence, la prégnance des bruits qui viennent se parfois éteindre, enfin couvrir comme ça les paroles des personnages. Alors je crois que de ce point de vue-là, Godard représente un cas limite comme ça, mais qui capte absolument ce que c'est que l'atmosphère, enfin la violence propre de ce que c'est que la ville. Alors pour le film Les Amants Terribles, s'il vous plaît. Une place. Merci, vous entrez, c'est sur votre gauche. Et ces bruits, bon, ces bruits, c'est ceux de la ville. C'est-à-dire, c'est l'avion, ce sont les voitures, ce sont les cris, c'est les bruits de verre, de cuillères sur les soucoupes, dans les cafés, les interpellations, les choses comme ça. C'est un ensemble sonore qui est quelque chose d'absolument capital, en tout cas dans le cinéma de Godard. Et... bon, enfin, qui a à voir évidemment avec ça, qui est aussi un problème qui peut s'entendre de plusieurs façons, à savoir qu'on ne s'entend plus ou qu'on ne s'entend pas. Enfin, Mais c'est vrai que pour cela, la ville est un tremplin pour raconter toutes ces fictions. Ben, c'est le milieu, c'est l'espace même, l'espace problématique des fictions modernes, si on veut. Alors pour le film Les Amants Terribles, s'il vous plaît. 20 francs. Allô ? Je voudrais parler au docteur Simoneau, s'il vous plaît. Je suis un collègue, Adrien Pratt, passez-le moi. Allô, Simoneau ? Écoute. Je suis parti à Rome, avec deux Allemands, très sympas. C'est à Dolce Vita. Les Romains sont très sexy. Baci da Roma. Qu'en penses-tu ? Ce n'est pas de la provocation ? Stéphanie, c'est elle qui m'envoie ça de Rome. Mais non, pas la rouquine, la petite brune. Dis-moi, prépare-moi un congé maladie. Je pars à Rome. Au départ, d'ailleurs, comment c'est l'idée du scénario ? Enfin, j'avais envie de parler d'histoire d'amour et de relations entre des hommes et des femmes. Qui... Oui, j'avais envie de parler de ça. La pierre est prête au sol. Mi moglie. Mais c'est marrant comment Rome est venue. Ça a été... je me souviens, j'étais avec Jean-Noël Pic. Daniel Dubrou. Et il me parlait de... C'est quelqu'un que j'ai vu beaucoup. Enfin, je ne savais pas du tout s'il allait jouer dans mon film ou dans le film que je projetais de faire ou pas. Mais c'est quelqu'un que je fréquentais comme ça et qui me racontait toujours toutes sortes d'histoires. Et entre autres, parmi ses histoires, moi je lui en racontais aussi. Il m'avait raconté... c'était un jour, c'était un dimanche, je me souviens, à la Coupole. Et il m'avait raconté cette histoire quand il avait suivi une fille beaucoup plus jeune que lui jusqu'à Rome. Il m'avait raconté cette histoire. Et donc, sa déambulation dans Rome, comment il avait quadrillé la ville à la recherche de cette fille. J'avais écouté ça, ça m'avait vraiment amusé, cette histoire, intéressé. Et puis, je rentre chez moi, c'était un dimanche, je rentre chez moi, et sur mon répondeur, il y avait Manuela, qui joue, mais dans le film, et avec qui j'avais aussi des relations comme ça, d'amitié, enfin, que je voyais souvent, qui m'avait laissé un message, qui me disait « Je suis arrivée à Rome ». Je l'ai retrouvé, il vient de m'abandonner, je suis dans ma chambre d'hôtel, je me suis mis la tête sous l'oreiller, c'est affreux, pourquoi je suis venue jusque-là, etc. Alors là, ça fait tilt, je dis Rome, le signe. Et moi, par ailleurs, j'avais été à Rome aussi, dans ma jeunesse. Enfin, j'avais suivi un Italien jusqu'à Rome, que j'avais rencontré place de la Concorde. Et tout d'un coup, Rome est devenu un signe, quoi, a fait sens. Et c'est comme ça que c'est venu, quoi, que j'ai dit, ben voilà, je vais raconter ces trois histoires. Mais c'est venu vraiment sur cette coïncidence. Enfin, il y a une espèce de Rome connection, quoi. Parfois, il suffit qu'un nouvel éclairage apparaisse dans la ville pour que tout d'un coup, ce qu'on croyait familier change. Les pierres se déplacent, se transforment. Les projecteurs d'un bateau mouche, par exemple, sur les immeubles le long du quai. Ou un réverbère qui fonctionne plus du tout dans une petite rue. Cela dérange, cela étonne. Et ce que l'on cherchait peut-être depuis longtemps apparaît. Ville miroir. Ville labyrinthe. Ville cinéma. J'avais erré dans cette ville, j'avais aimé un homme dans cette ville. Et j'avais beaucoup erré à Rome. Vous l'avez cherché ? Non, puisque je l'avais suivi jusqu'à Rome. Mais après, quand j'étais à Rome, je me souviens, il partait, lui, souvent, parce qu'il avait des trucs à faire ailleurs, et je passais des journées entières à tourner dans cette ville. J'avais jamais envie de rentrer, je marchais, je me perdais. Donc ce parcours-là, je l'avais fait, moi aussi. C'est une ville faite pour ça, un peu. Oui, absolument, oui. Et puis, c'est vrai que c'est une ville de pèlerinage. C'est quand même une ville sainte, aussi. Et ces personnages, ils partent, il y a l'idée du pèlerinage, l'idée d'un parcours qui est tendu vers un absolu, qui est là, dans l'occurrence, celui de l'amour, de la passion, mais où il y a quelque chose de sacré, comme ça, vers quoi on tend. Et puis semé d'embûches, les embûches du quotidien, mais il y a un parcours de passion, mais même, on peut dire, au sens passion Christ. Oui, absolument. Donc, c'est sûr que là aussi, ça a un sens... On peut dire aussi que Rome, c'est à mort à l'envers, et aussi que Rome, c'est très romanesque. Oui, il y a plein de choses. Et ça ne pouvait être que Rome. Ça ne pouvait être que Rome. Elle sent très commode pour les marches. Oui, ça va, je les prends. Je le garde au pied. Dites-moi, les jeunes se réunissent toujours sur les places, à Rome? Les jeunes? Il est temps de les jeunes, temps de les places à Rome. Et vous, par exemple, vous allez où? Moi. Moi, mes plaies, Piazza delle Muse, Piazza del Popolo. Et les étudiants, les marginaux, les étudiants vaguement de gauche? De gauche? De gauche, Campo dei Fiori ou Piazza Navona. C'est bien ce que je pensais. Allez, grazie. Arrivederci. Ce que je dis, c'est qu'une ville est une nature morte. C'est une nature morte dont on tire des films, mais aucun de ces films ne ressuscite la ville. C'est-à-dire qu'on a pu effectivement représenter la ville. La représentation de la ville est effective. Parfois, c'est une sorte de décor, mais... Ce qui est certain, c'est que la représentation de la ville ne nous donne pas, à nous spectateurs, la restitution vivante de la ville. Le lieu pour moi est quelque chose de très intéressant. Très souvent, quand j'écris un film, je pars des lieux. Mon idée se précise à ce moment-là. Éric Rohmer. Il m'est arrivé, même parfois, d'aller dans des lieux qui me paraissait intéressant pour tourner un film, et le sujet m'est apparu peu à peu au cours de mes promenades. C'est le cas par exemple du genou de Claire. Le genou de Claire était une idée très, très informe, et elle s'est précisée au moment où je suis allé au bord du lac d'Annecy. Mais Paris, oui, Paris particulièrement... m'intéresse, et j'ai fait un certain nombre de films qui se déroulent à Paris et où le décor de Paris a de l'importance. Le premier, c'est Le Signe du Lion. C'est un film qui est une grande promenade. En somme, ce film n'est qu'une grande promenade dans Paris. Le héros qui habite rive gauche traverse la Seine, se promène le long des boulevards, ensuite est amené à aller jusqu'à Nanterre. De Nanterre, revient à Paris à pied parce qu'il a perdu son ticket de métro. Il longe les Champs-Élysées, puis les quais de la Seine, et aboutit dans l'île de la Cité, près du Pont-Neuf au Vergalan. Puis de nouveau s'enfonce rive gauche jusqu'au bas de la rue Mouffetard et revient à Saint-Germain-des-Prés. Par conséquent, je crois qu'il explore à peu près tout Paris. personnellement, très souvent dans les films, quand je vois Paris, je dis, mais je sais pas où on est, je sais pas que c'est pas Paris, Paris c'est pas ça. Et je voudrais montrer Paris, par exemple, mes films passent beaucoup à l'étranger. Je m'aperçois d'ailleurs que les films qui montrent Paris ont plus de succès à l'étranger qu'en France, parce que Paris, ça attire pas les Parisiens, et ça peut attirer les Américains. Et à ce moment-là, non, mon propos, c'est pas ça. Mon propos, ce sera au contraire de montrer Paris, de retrouver Paris tel qu'il est, et non pas tel qu'il a été déformé, à mon avis, dans beaucoup de films. Voilà mon idée. Bon, dans un film comme Les Nuits de la Pleine Lune, Paris est à peine indiqué par une vue de la place des Victoires et la ville nouvelle qui est le lieu de Jackie Cario dans le film est également à peine indiquée. Simplement, on voit bien que la différence c'est dans le comportement des personnages, c'est-à-dire le fait pour Pascal Augier d'être appelé par Bon, alors là, c'est là qu'on tombe sur la question de la ville comme espace moral, en réalité. D'être appelé par le centre, par le tourbillon des désirs que représentent les surprises parties, les rencontres mondaines, les choses comme ça, et le fait de s'exiler dans un espace propre qui est celui de la périphérie appartient à Jackie Cario. Le conflit, théoriquement, part de là. En quittant la banlieue, elle veut aussi retrouver un monde qui lui appartient. Elle veut créer son monde. Elle veut avoir une chambre à elle. Elle veut être au centre des choses. C'est ça. C'est-à-dire quitter la banlieue, c'est avoir le sentiment d'être maîtresse de ses propres désirs, ou en tout cas de diriger ceux des autres, d'être elle-même au centre, disons, des désirs des autres. Je crois qu'il faut prendre littéralement l'opposition entre la capitale et la périphérie comme le fait que dans la capitale, on a l'illusion, enfin en tout cas, Pascal Augier incarne l'illusion de pouvoir être au centre de la ronde des désirs. Le fait de rester à la périphérie, c'est rester justement à la périphérie de cette ronde. Bon, il y a une morale évidemment dans le film qui est qu'il s'agit d'une illusion et que elle se rendra compte in extremis que le centre était à la périphérie et que ayant voulu se trouver son espace propre au sein de la capitale et être au centre, et d'ailleurs je pense que c'est pas un hasard si le film commence Place des Victoires, justement, parce qu'il y a ce côté extrêmement centré avec la statue Louis XIV, qui a quelque chose évidemment de symbolique dans cette histoire, si on veut. Elle se rend compte brusquement qu'elle est rejetée de tout et qu'elle n'a plus d'existence nulle part. C'est plutôt une défaite. C'est donné comme ça, oui. C'est donné comme ça. Pascal Bonitzer. Éric Rohmer. Oui, alors là, j'ai voulu montrer le rapport qu'il y avait entre la ville, et je dirais pas la banlieue exactement, je dirais plutôt peut-être la ville satellite. Ce qui est intéressant dans la vie actuelle, ce sont les trajets. Et je crois que dans tous mes films, il y a des trajets. Il y a des trajets avec différents moyens de locomotion. Et à un moment, on m'avait demandé quelle était la philosophie de Manu Gémeaud. Et j'avais dit, eh bien, c'est pour montrer qu'on va plus vite en vélomoteur qu'en voiture et plus vite à pied qu'en vélomoteur. voilà. Donc, la façon dont les gens se déplacent m'intéresse énormément. Et personnellement, j'indique que les gens sont éloignés les uns des autres, mais en général, comme ce sont des gens qui ne voyagent pas ensemble, en général, dans mes films, la plupart des gens voyagent solitairement. Par conséquent, les scènes de dialogue se passent à des moments où ils sont arrivés à destination. L'histoire, c'est un petit peu tel est pris qu'il croyait prendre. C'est-à-dire qu'effectivement, ça c'est quelque chose qu'on trouve très souvent chez Romer, et ça c'est aussi quelque chose qui a à voir avec l'espace de la ville, c'est qu'on croit être au centre de ce qui se passe, on croit avoir pris la mesure une fois pour toutes de l'autre parce qu'on l'a vu dépendant de vous, et puis comme il y a toutes sortes de rencontres qui se passent dans votre dos, derrière vous, et que on ne voit pas tout, on s'aperçoit un beau jour que des liens se sont tissés qui ont pris une certaine importance qu'on n'avait pas prévue et que tout se renverse. Alors il y a quelque chose qui est comme ça aussi dans un autre film de Romer, c'est L'amour l'après-midi, qui est aussi une histoire de Paris. Simplement, dans L'amour l'après-midi, comme d'une façon générale dans les contes moraux, il n'y a pas de passage à l'acte. Le personnage qui est attiré par c'est Bernard Verlet qui est attiré par Zouzou, fille branchée de l'époque, enfin on disait pas branchée dans les années 70, mais enfin bon, qui est une femme un peu trop bourgeoise, popote, qui est attiré par l'aventure, donc que représente le personnage un peu errant comme ça et sauvage qu'est Zouzou, au dernier moment brusquement flanche et ne trompe pas sa femme, il retourne précipitamment vers elle et il s'aperçoit, enfin il ne s'aperçoit pas, c'est plutôt le spectateur qui s'aperçoit à une phrase ou deux que dit cette femme, qu'elle avait elle-même, de son côté, la tentation, que l'abandon dans lequel la laissait Bernard Verlet faisait qu'elle se sentait disponible pour une aventure qui était possible, avec un autre homme qu'on ne verra jamais, mais dont on apprend l'existence. Finalement, ce qui se passe dans les nuits de la pleine lune, c'est que tout arrive et que ce qui n'était que latent et ce qui reste latent dans L'amour l'après-midi arrive véritablement avec bon tout ce que ça implique de pathétique comme ça pour Pascal Augier qui est le sujet de l'histoire comme Bernard Verlet était le sujet de L'amour l'après-midi. Comme vous avez tourné les rues de Rome, c'est pas voyant. Je trouve que la présence de la ville est à la fois essentielle et en même temps, c'est pas redondant. C'est pas... Bah, c'est-à-dire que ce qui est déterminant pour moi, c'est les personnages. Avant tout, c'est ce qui les agit, c'est leur sentiment, c'est leur mobile, c'est eux le moteur. Je suis pas quelqu'un qui veut faire un plan pour le pur plaisir du plan... la seule chose qui compte pour moi, c'est les personnages. Donc Rome est vu à travers ces personnages. Rome vient derrière. Si on a Adrien Piazzanavone, c'est pas parce que j'ai envie de faire un plan sur Piazzanavone, qui est une des plus belles places du monde. C'est parce que Adrien sait que Piazzanavone, il risque de rencontrer Stéphanie, puisque c'est un lieu de rencontre où tous les jeunes et bien sûr des touristes, donc comme Stéphanie, vont sûrement passer ou venir passer un certain temps. Et il y a ça aussi en Italie, hein. Il y a certaines places qui correspondent à des regroupements un peu sociopolitiques. On sait que Piazzanavone, c'est un certain type de gens, intelligentsia, comme ça, un peu marginal aussi. Alors que Piazza delle Muse, et dont elle parle, là, c'est la bourgeoisie plutôt de droite. Il y a cette place, Piazza del Popolo aussi, là, c'est aussi un autre monde, c'est un milieu... Oui, plus de droite, avec un peu fils à papa, et tout ça. Campo di Fior, c'est aussi très marginal, un peu intello. Bon, donc elle définit un peu le code. Mais que c'est, ça se passe comme ça. Quand on est en Italie, quand on est à Rome, les gens parlent comme ça de leur ville. Hein, c'est... Et donc il va dans les endroits où sa Stéphanie, par rapport à ce qu'il connaît d'elle, peut aller. Et la ville n'est vue qu'à travers ça, qu'à travers le parcours, la quête des personnages, ou leur dérive, leur perte, comme celle d'Alice. C'est jamais des plans gratuits. D'ailleurs, j'ai pas filmé, par exemple, la fontaine de Trévi, parce que le personnage n'avait pas à y être. Bon, il aurait pu se trouver qui m'amène là, mais j'ai filmé que les endroits où... Nécessaires. Oui, c'est ça. Nécessaires à leur parcours, et ce parcours étant induit par leur propre logique de désir. Une fois que j'avais bien cerné quelle était leur logique, enfin, amoureuse, il y avait un parcours qui en découlait. Et le film est ça. Sur ce décor, j'imaginerais des montreurs d'ours. Il y a un trop grand décalage entre Rome et ses habitants. Ils ne sont pas faits pour ce décor où le poids du passé est excessif. Sur toutes ces places, moi j'imaginerais des barbares gaulois, des montreurs d'ours. En tout cas, sûrement pas toutes ces espèces de dragueurs italiens là, avec leur paquet de Marlboro bien dragueurs italiens, leur paquet de Marlboro bien ajusté dans la ceinture, la clé de leur voiture qui virevolte autour de leurs doigts. Oui. Tous les étés, à attendre les arrivages de filles nordiques, filles blondes de préférence, bien sûr. Tout ça me dégoûte complètement. Vous avez visité la ville ? On connaissait déjà. Et vous ? Moi, je visite de manière assez spéciale. En fait, je ne suis pas en vacances du tout. Je n'en plus. Ah bon, alors vous travaillez ici ? Moi, je vous avais pris pour un jeune couple en voyage de noces. On apprend à vivre ensemble. C'est un travail très délicat. Mais oui, donc quand je disais que j'ai écrit en fonction de la topographie, c'est vrai, j'ai utilisé complètement la structure de ce centre de Rome, qui est touristique, mais pas non plus si touristique que ça, hein, c'est pas comme la Contrescarpe, je veux dire, c'est encore ce centre de Rome, il y a des petits artisans, il y a plein de petites gens, c'est pas spécialement les nouveaux bourgeois qui habitent dans ce centre de Rome, hein, c'est encore resté assez populaire d'ailleurs. Bon, alors j'ai écrit... l'histoire, enfin les enchaînements, les croisements, complètement en fonction de cette topographie, c'est-à-dire des petites ruelles où on se perd parce qu'elles se ressemblent et qui sont labyrinthiques, et le circuit de chacun est celui-là, un parcours où ils se perdent, où ils quêtent, et puis des deux, trois espaces de croisements, de regroupements possibles qui sont cette Piazza Navone, ce Campo di Fiore, qui sont très proches l'un de l'autre. Et le récit est écrit comme ça, c'est-à-dire chacun a son parcours, sa déambulation, sa perte, son égarement aussi, donc dans ses ruelles, et finit toujours par se croiser avec les autres, donc par se rencontrer et pouvoir se connaître. Récit qui, sur la topographie d'une autre ville, n'aurait pas du tout été le même. Hein, à Paris, il est impensable. Enfin bon, en plus, il fallait que ce soit des personnages en exil. Puisque c'est des personnages qui partent de chez eux, qui partent à la recherche de l'autre, hein, et de l'amour. Donc il y a l'idée d'exil, mais on aurait pu avoir l'idée d'une autre ville, mais l'histoire n'aurait pas du tout été construite comme ça, dans une autre ville. Paris n'existe pas, Robert Benayoun. Il y a des gens qui se souviennent de tout. De la lumière d'un certain après-midi de printemps il y a 12 années. Du reflet de tel objet. À tel moment précis de la soirée. À Reykjavik. Il y a aussi des gens qui ont des souvenirs intra-utérins. Ou qui croient les avoir, ce qui revient au même. Tu veux dire que certains souvenirs, même très précis, sont à moitié inventés? Je crois que le souvenir, comme le rêve, est une demi-fabrication. Alors, au-delà de cette fabrication, il y a peut-être autre chose. Quoi, par exemple? Petits éclats de réalité, nets et bien formés, qui sont comme des petits îlots. À savoir si c'est du passé ou de l'avenir, ça pour l'instant. Georges Sebag. La ville et le cinéma, ce sont deux mots qui ont l'air abstraits, très très communs, banals. Mais en vérité, ce sont plus que des mots, ce sont des êtres. Des êtres comparables à des êtres humains. Le cinéma et la ville se sont rencontrés peut-être au début du siècle, un moment dramatique. Ce moment dramatique, c'est le moment où la ville commence à avoir des problèmes. Problèmes démographiques, la ville sur toute la planète commence à se peupler, et même on peut dire qu'elle est surpeuplée. Il y a des mouvements démographiques qui appartiennent justement à notre siècle, et c'est la ville qui recueille les populations. L'exode rural qui dure depuis plusieurs siècles, on peut dire qu'il atteint son point culminant à notre époque. Ce qui se passe alors, c'est que la ville va se trouver dans un état de violence, de décomposition, de transformation, de métamorphose. Et le cinéma, c'est l'occasion rêvée de la ville de s'échapper, de fuir, en somme d'inverser le mouvement. La salle de cinéma, c'est une sorte de bunker, de refuge. Là où les gens non pas se rencontrent, mais fuient la réalité nouvelle de la ville, qui est une réalité difficile. Donc, le cinéma dans cette histoire, c'est qu'il va prendre en charge la fuite urbaine, ce reflux de la ville sur elle-même. La fuite urbaine, le cinéma est capable de l'enregistrer. Car le cinéma est un phénomène qui, au fond, perçoit bien ce bouleversement qui s'est produit dans la ville. Le cinéma, c'est essentiellement une mise en pièce de surface qui s'effectue justement dans la ville. C'est un art de la discontinuité. La ville est bréchée. C'est un art du déplacement, la ville n'est plus à sa place. Le cinéma, c'est aussi une occasion extraordinaire qui est offerte aux habitants de la ville, aux ex-habitants de la ville, l'occasion de percevoir le temps, la durée. En somme, il y a une compensation, un dédommagement pour les habitants de la ville. Ils ne vont plus vivre dans l'espace, puisqu'il n'y a plus d'espace. Ils vont se rencontrer dans l'obscurité des salles de cinéma. Et ce qu'ils vont rencontrer, c'est la durée. Le cinéma s'est greffé sur la ville, sur ce qui reste de la ville. Et au fond, le cinéma parle beaucoup plus de la ville que la ville ne peut parler d'elle-même. Hiroshima, mon amour, Alain René. Écoute-moi. Comme toi, je connais l'oubli. Non. Tu ne connais pas l'oubli. Comme toi, je suis douée de mémoire. Je connais l'oubli. Non, tu n'es pas douée de mémoire. Comme toi, moi aussi, j'ai essayé de lutter de toutes mes forces contre l'oubli. Comme toi, j'ai oublié. Comme toi, j'ai désiré avoir une inconsolable mémoire. Une mémoire d'ombre. De pierre. J'ai lutté pour mon compte, de toutes mes forces, chaque jour, contre l'horreur de ne plus comprendre du tout le pourquoi de ce souvenir. Comme toi, j'ai oublié. Pourquoi nier l'évidente nécessité de la mémoire ? Éric Rohmer. Alors, si on peut parler d'urbanisme ici, j'ai toujours été très hostile à l'urbanisme, disons, issu de Le Corbusier. Enfin, à la fois à l'architecture qu'on appelait architecture internationale, parce que pour moi, c'est quelque chose de très grave, cette architecture internationale, parce que l'architecture ne doit pas être internationale, elle doit être nationale, et même elle doit être régionale. Alors, à un certain moment, le régionalisme était considéré comme la chose la plus ridicule en architecture. Bon, c'était la honte, c'était ce qu'il fallait pas faire. Bon. Et tandis que maintenant, on aimerait bien qu'il y ait une architecture régionale. Enfin, on s'aperçoit d'ailleurs qu'à l'époque moderne, c'est quelque chose de très difficile. Alors, toutes les tendances qui ont été contre cet urbanisme, contre cette dictature, si vous voulez, des idées de Le Corbusier et du Bauhaus, tous les gens qui ont réagi à partir des années 50, je les ai regardés avec beaucoup d'intérêt. Enfin, voilà mon point de vue. C'est-à-dire que la cité radieuse de Corbusier était une cité, comme le montre le plan Le Corbusier voisin de 1925, c'est une ville qui serait située sur Paris même et qui n'aurait pas respecté Paris, qui de Paris n'aurait laissé, je crois, que Notre-Dame. Je ne sais même pas si les Invalides seraient restés. Bon. Alors, voilà. Alors les architectes qui m'ont intéressé ensuite sont des architectes dont les idées m'ont paru beaucoup plus proches des miennes, et en particulier Philippe Boudon, qui a écrit un livre très intéressant contre Le Corbusier. Alors, à ce moment, j'ai senti qu'on pouvait dire du mal de Corbusier, que ça pouvait ne pas être honteux de dire du mal de Corbusier, parce que jusque-là, je me hasardais. Enfin, c'est très difficile pour moi de m'hasarder à du mal de lui. Bon. Et Boudon a eu des phrases extraordinaires. Il a prouvé, dans un livre sur Pessac de Le Corbusier, il a prouvé les gens qui avaient mis des petits balcons aux maisons de Le Corbusier, et il disait c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus coquet. Il a une expression qui aurait fait bondir un puriste des années 50. Et il a dit également des choses comme l'architecture doit être pensée dans le temps. C'est-à-dire que dans un bâtiment, il doit y avoir la trace du temps. Et dans une ville, il doit y avoir la trace du temps. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est très difficile de concevoir une ville construite en même temps. Bon, une ville n'est intéressante que s'il y a des éléments différents dans cette ville. Bon, enfin, voilà mes idées sur l'urbanisme. Vous voyez, c'est des idées qui maintenant paraissent tout à fait normales, tout à fait classiques, tout à fait simples. C'est-à-dire que ce qui existe, bon, il vaut mieux le garder parce que, pour des tas de raisons. D'abord parce que c'est très beau. Bon, ce que ne pensaient pas les architectes. J'ai entendu les architectes dire, les vieux quartiers, c'est affreux. Ce qui est beau de Notre-Dame, c'est beau peut-être, des Invalides. Mais les petites rues, là, c'est sans intérêt. Alors, j'ai entendu dire exactement, je répète, exactement une phrase que j'ai entendu dire. Alors que moi, ma position, c'était il faut... Bon, on peut raser Notre-Dame, c'est pas si grave, parce qu'on en a des photos, on sait ce que ça... Ça a une influence très grande, etc. Bon, c'est grave, mais... C'est moins grave que de raser la rue Mouffetard. Voilà, parce que la rue Mouffetard, de toute façon, on la retrouvera jamais. Et je sais qu'à un moment... Alors, j'avais assisté... parce que je voulais faire des émissions sur l'architecture et je me documentais sur les architectes. Et j'avais assisté à une réunion d'architectes, dont certains très connus, à propos des Halles. Et ils disaient des choses que j'avais trouvées monstrueuses, c'est-à-dire, par exemple, le quartier des Halles, c'est un quartier... De toute façon, ils avaient dit cette chose, par exemple. C'est un quartier... L'un avait dit, c'est pas la peine de le raser, il faut le laisser pourrir par lui-même. Bon. Or, ce qui me choquait, c'était irréaliste. C'est-à-dire que c'était le moment même où les promoteurs, eh bien, prenaient les vieilles maisons et faisaient de l'argent avec les maisons. C'est-à-dire que le quartier des Halles, si on n'y avait pas touché, il n'aurait pas pourri par lui-même. Il serait devenu ce quartier à la mode, de toute façon. Bon. Et à ce moment-là, bon, il y aurait eu de la spéculation et les immeubles auraient été restaurés. Bon, évidemment, la population aurait changé, mais de toute façon, elle change, la population. Bon. Par conséquent, l'idée que si on laisse un vieux quartier, il va être la proie des restaurateurs et qu'à ce moment, ce seront les classes aisées, disons le président de la République, qui vont s'y installer. Oui. Non, disons, parce que bon, c'était, je prends l'exemple de ce quartier, si vous voulez, le quartier Maubert, c'était le quartier des clochards. Bon, maintenant, c'est devenu un quartier très. Bon. Oui, peut-être, c'est possible. Mais de toute façon, si vous le détruisez et que vous y construisiez des tours, eh bien, à ce moment-là, ça ne sera pas mieux non plus. Ce sont des tours également qui seront de standing élevé. Bon. Par conséquent, la question n'est pas là. Donc, la question n'est pas là, et je crois que c'est une chose qu'il faut dire. Et alors, je sais qu'à ce moment-là, j'étais un petit observateur, j'étais dans un coin, j'ai pas voulu intervenir parce que je n'étais personne, j'étais rien, j'étais un petit cinéaste à la télévision scolaire, bon, c'est tout. Mais j'avais envie de dire, mais vous creusez la tête, ce quartier des Halles, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pourquoi? Le mieux, c'est de le raser et d'en faire ici l'aéroport de Paris. Tant que vous y êtes, pourquoi pas? Bon. Et le musée du Louvre, ben, le musée du Louvre, on peut bien le détruire. Si vous détruisez ce quartier, pourquoi pas détruire le musée du Louvre aussi? Mais parce qu'ils avaient dit, il faudrait construire ici, je sais, l'un avait dit, ici, il faudrait construire un autre musée, il faudrait construire les archives de Paris. Bon. Les archives de Paris, c'est ça. Bon. Alors maintenant, au contraire, tout le monde semble gagner à cette cause. Mais je vous dis d'ailleurs, j'en suis très fier d'ailleurs, parce que là, pourquoi pas ne pas me vanter, je sais que le jour où on a affiché au Halles, je passais au Halles, l'avis de démolition qui était signé du préfet de l'époque qui s'appelait Monsieur Doublet. Et où on disait qu'on allait rénover les Halles, j'ai écrit moi-même, j'ai pris un crayon et j'ai écrit sur cette affiche, il faut, je crois que j'ai même mis Abba Doublet, ou je ne sais pas quoi, mais, et j'ai mis, il faut conserver les Halles. Il faut conserver les pavillons Baltard. Eh bien, dans la presse, nulle part, je n'ai trouvé quelqu'un disant cela. Personne, personne, personne. Bon. Et je crois que, contrairement à ce qu'on pourrait dire, essayer de remplacer une architecture ancienne par une architecture moderne, eh bien, cela peut-être ralentit le progrès et l'invention de l'architecture. Parce qu'à ce moment-là, on est limité, forcément, par des contraintes. Et qu'une véritable architecture moderne, eh bien, je pense qu'elle peut prendre son essor à des endroits, dans des endroits vierges. Je pense que c'est ainsi que j'ai toujours pensé. Par exemple, si on prend une ville, prenons une ville, eh bien, je pense que si dans cette ville on remplace les quartiers anciens par des quartiers modernes, eh bien, à ce moment-là, on n'obtient pas une architecture aussi intéressante que si on juxtapose des quartiers. Et que si on prend des villes dans lesquelles il y a ces quartiers juxtaposés, eh bien, je crois que c'est des villes qui sont plus intéressantes, plus belles et plus vivantes. Je me souviens avoir eu ce plaisir un jour que j'allais dans une ville allemande qui s'appelle Bamberg et qui est une des rares villes allemandes qui n'ait pas du tout été touchée par la guerre. Et en sortant de la gare, je longeais une avenue du 18e siècle, non ? Et puis peu à peu, je suis entré dans une ville du 18e et continuant à traverser une rivière, eh bien, je découvre une ville du Moyen-Âge. En France, je n'ai pas d'exemple présent à l'esprit, mais enfin, je pense qu'il y en a un certain nombre, bien que dans la plupart des grandes villes, le quartier le plus ancien est celui qui a le plus souffert. C'est dans le quartier le plus ancien, à Bordeaux par exemple, dans le quartier ancien, qu'on trouve un côté haussmannien, alors que le quartier 18e est resté parce qu'il était conçu avec un urbanisme plus contemporain. Alors, donc voilà. Donc, en défendant les vieux quartiers, eh bien, je ne suis pas passéiste, bien au contraire, je permets aux architectes d'exercer leur talent en terrain vierge et de faire des choses plus intéressantes que ce qu'ils feraient. C'est-à-dire que les quelques beaubourgs, si vous voulez, bon, je pense qu'il aurait été aussi intéressant de le faire à un autre endroit. Voilà. Et Coal, le l'activité culturelle qui s'exerce à Beaubourg, elle aurait bien pu s'exercer dans les pavillons Baltard. Tandis que mon corps s'incendie déjà à ton souvenir, je voudrais revoir Nevers, la Loire, peuplier charmant de la Nièvre. Je vous donne à l'oubli. Histoire de 4 sous. Je te donne à l'oubli. Une nuit loin de toi, et j'attendais le jour comme une délivrance. Un jour sans ses yeux, et elle en meurt. Petite fille de Nevers, petite coureuse de Nevers. Comme pour lui, l'oubli commencera par tes yeux, pareil. Puis comme pour lui, l'oubli gagnera ta voix, pareil. Puis comme pour lui, il triomphera de toi tout entier, peu à peu. Tu deviendras une chanson. Nous sommes à un moment de l'histoire où nous voulons essentiellement percevoir, et pour attraper la ville, une ville qui est en pleine décomposition, qui ne se laisse plus contempler comme peut-être les anciennes villes, eh bien, c'est une toute autre approche qui est nécessaire. Hiroshima. Hiroshima. C'est ton nom. C'est mon nom, oui. Ton nom à toi est Nevers. Nevers en France. Il y a un personnage aussi qui me fait penser comme ça à la ville. Enfin, à Rome, c'est le personnage de la star, l'ancienne déchu. Star, voilà, mendiante maintenant. Pour moi, c'est tout à fait Rome. Absolument, ça c'est vrai. C'est vraiment le symbole, enfin la présentification comme ça de Rome. C'est une sorte d'égérie de la ville, c'est-à-dire la splendeur et la décadence. Et on voit d'ailleurs dans une photo dans ce restaurant où elle a été splendide. Elle a été une comédienne. Oui, elle a été une comédienne. Elle est sur une photo, elle a des voiles d'ailleurs, comme des voiles d'une sorte de statuaire antique. Et elle, c'est ça, c'est l'égérie de la ville. Elle a quelque chose aussi de religieux, enfin elle a un visage aussi de pré-raphaélite comme ça, ou de Madone. On peut dire aussi qu'elle correspond à une génération, elle est aussi ça, à un autre niveau. C'est-à-dire toute cette génération qui, quand on raconte son histoire... Qui a été engagée. Enfin, elle est fille, on comprend bien qu'elle est fille d'un milieu très aisé, aristocratie italienne, comme ça, engagée dans l'extrême gauche, photomodèle, etc. Puis après, le revirement peut-être vers la drogue, ou cette espèce de parcours qu'on voit très bien en Italie. Ça, je crois que ça correspond à un truc très fort d'une génération, ça. Alors elle est ça aussi, mais elle est l'égérie de Rome, elle est une espèce de... Oui, même quand on la voit sur le marché ramassant les détritus, elle est belle en même temps. Oui, elle reste belle. Ah oui, elle est comme... Une sainte. C'est ça, oui. On peut dire aussi que c'est le destin, le personnage du destin, et le destin qui guette les trois femmes du film. Guettée par la démence précoce. Il y a quelque chose comme ça aussi. Elle représente aussi peut-être la folie de la folie potentielle des femmes, peut-être plus. Eden. Palace. Régent. Luxe. Marrakech, Hanoï, Saïgon. Toronto, Tombouctou, les splendeurs de la ville, de l'ancienne ville. Le cinéma a rencontré la ville parce qu'il a pu la rencontrer sur un plan planétaire. L'espace a été complètement pris de court par le temps. Parmi les exemples que l'on peut donner de cette intrusion du cinéma dans la ville, exemple qui manifeste clairement une certaine catastrophe qui s'est produite dans la ville, bien, il y a un film que tout le monde connaît qui est Hiroshima, mon amour. Et Hiroshima, mon amour, il faut l'interpréter évidemment pas seulement comme un film d'amour, mais évidemment comme un film autour de la ville, de la disparition de la ville. En l'occurrence, ici, c'est Hiroshima. Dans la disparition, celle-ci, elle est nette. Hiroshima a disparu totalement. Bon, elle a été reconstruite et certaines images du film montrent une déambulation dans cette Hiroshima reconstruite. Mais tout le film relate la disparition ou encore, en parallèle à Hiroshima, à l'autre coin du globe, Nevers, en France, Hiroshima et Nevers sont des villes qui, pour ceux qui y ont vécu, ont plus ou moins disparu. Et c'est bien ce problème, cette relation, charnelle, passionnelle, forte, entre le cinéma et la ville, qui est marquée simplement dans le titre du film. D'ailleurs, puisque là j'évoque Marguerite Duras dans India Song, Marguerite Duras, qui veut évoquer la ville de Calcutta, n'a pas cru nécessaire d'aller à Calcutta pour tourner à Calcutta. Et d'une façon générale, d'ailleurs, on peut dire que les gens qui tournent des films sur une ville, eh bien, peuvent très bien transposer. D'ailleurs, un an après India Song, Marguerite Duras a fait un film qui s'appelle « Son nom de Venise dans Calcutta désert ». Ce film reprend exactement la bande-son d'India Song avec d'autres images. Je pense que c'est un acte d'ailleurs que je trouve très courageux et en même temps très, très à la fois mystérieux, très, très avancé. Il montre que la ville, je dirais dans le lointain, a disparu, mais d'autres simulacres, d'autres substituts, en tout cas d'autres équivalents, peuvent remplacer cette ville. Je pense que d'aller dans une ville autre, c'est une manière d'aller à la recherche de... D'aller à la recherche de son identité. Bon, je sais pas, c'est, je pense à ce film Alice dans les villes. En fait, Alice, qu'est-ce qu'elle cherche dans les villes? Elle cherche sa propre mère, quoi. C'est un truc que je comprends très bien, ça. C'est-à-dire aller ailleurs, enfin s'égarer, aller se perdre, mais peut-être pour se retrouver mieux, pour s'identifier, exactement comme les exilés se reconnaissent entre eux et s'identifient. Ça permet aussi de s'identifier soi-même par rapport à l'autre, à autrui, à une autre. Donc je pense qu'il y a un travail comme ça, un peu, pas d'archéologie, mais oui, un peu comme le petit pousset qui s'égare et qui met des cailloux, et c'est une manière de décrire un territoire comme ça. Qu'est-ce que tu veux, les gens font un tel gâchis de leurs souvenirs. Ils oublient tout. Les guerres d'Algérie, 10 ans après, c'est comme si ça avait jamais eu lieu. Les barricades, 3 mois après. Même nous. C'est comme si on se connaissait depuis un siècle. Si seulement on pouvait garder nos souvenirs intacts, les contrôler tout le temps. On resterait fidèles à nous-mêmes. On ne changerait pas. Enfin, moralement. On ne se trahirait jamais. Je voudrais voir ça de plus près. Dans un film comme Paris-Texas, d'une certaine façon, c'est que le film commence par un personnage qui semble absolument arriver au bout des possibilités humaines. Ça se passe justement en plein désert. Là, on est en plein dans le désert mythique américain. On voit un type muet, sale, arriver, semble-t-il, au dernier degré des souffrances et des possibilités humaines qui... Au milieu de nulle part, il y a juste un vautour. Enfin, c'est la situation ultime qu'on trouve dans certains westerns. C'est un cliché du western, comme ça même. Bon, l'histoire commence à partir de là. C'est-à-dire qu'en fait, le désert absolu, ça n'existe pas. On se retrouve, malgré tout, il franchit un fil de fer barbelé, il se retrouve dans une espèce de ville frontière quasi inexistante. Mais bon, il se retrouve très vite à l'hôpital, et puis c'est là que toute l'histoire commence, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remonter aux sources. C'est-à-dire que finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va ramener ce personnage qui est Travis, joué par Aydin Stanton, qui semble-t-il est arrivé à une limite, à la limite de la mort... et de quelque chose d'énigmatique, au fond. On va le ramener d'abord vers la ville, c'est-à-dire vers Los Angeles, et puis il faudra qu'il traverse son propre désert et qu'il trouve aussi le sens de ce qui lui est arrivé à travers une série d'images et de rencontres et de remémorations qui passent par la ville, non seulement des villes réelles, comme Los Angeles, comme Houston, comme Port Arthur, mais aussi une ville qui a un sens mythique pour lui, où il n'a jamais allé, qui donne son titre au film, qui est Paris, Texas. Il a un bout de carte dans sa poche. Il n'a pas un bout de carte, il a une photographie d'un Lopinter qu'il a acheté par correspondance. On l'apprend ça au cours du film, enfin il l'apprend à son frère. Et la ville ici est un nom, essentiellement. C'est un nom qui contient une énigme, qui contient une énigme dans le fait que Paris, Texas, est relié symboliquement, qu'on le veuille ou non, à Paris, France. Toute l'histoire du film, enfin toute l'histoire, non pas du film, mais toute l'histoire du personnage en tout cas, passe par le fait que ce Paris, Texas, où il n'est jamais allé, ce Paris-France où il n'est jamais allé, dans l'intervalle entre ces deux noms, il y a quelque chose qui concerne de façon cruciale ses parents, sa mère et son père. C'est-à-dire qu'en fait, ce Paris-Texas dont il est question dans le film, c'est... le lieu où les parents de Travis se sont rencontrés, où ils ont fait, paraît-il, pour la première fois l'amour, où donc, probablement, enfin c'est comme ça que Travis imagine la chose, où ils ont engendré Travis, donc voilà. Alors ici, bon, ce qui est curieux finalement dans ce film, c'est qu'il y a une épaisseur comme ça, dramatique, qui s'inscrit à travers ce simple nom, qui ne passe pas du tout par quelque chose de visuel, sonore, spatial et cinématographique, qui est uniquement de l'ordre du mot, du signifiant, du nom. Bon, toute l'histoire est structurée comme une psychanalyse, c'est-à-dire que tout l'espace que parcourt Travis dans le film est à la fois un espace physique, puisqu'il franchit des kilomètres, mais symboliquement, ces centaines et ces milliers de kilomètres qu'il parcourt représentent une espèce de remontée vers le sens de son origine, enfin vers ce qui le détermine, ce qui l'a déterminé à aimer, à jalouser et à quitter sa femme qu'il retrouve à la fin, et dont le secret réside non pas exactement à Paris, Texas, mais dans la signification qu'avait une certaine plaisanterie que faisait son père sur sa mère et qui avait Paris, Texas pour enjeu. C'est-à-dire, Travis découvre dans le cours du film que cette plaisanterie avait un sens qui n'était pas du tout une plaisanterie, qu'elle avait un sens extrêmement grave, qui impliquait un échec profond, en réalité, de la relation de son père avec sa mère, qu'il a répété ensuite, sans le savoir, avec sa femme, Nastassia Kinski. À savoir que finalement, son père avait honte de l'origine trop simple, trop américaine et trop... D'ailleurs, moins qu'américaine, si on veut, puisqu'elle était en fait d'origine hispanique, peut-être mexicaine. Bref, de l'origine trop simple de sa mère. Et que cette honte, qu'il dissimulait dans la plaisanterie qui consistait à dire qu'il l'avait rencontrée à Paris, donc ça pouvait être une femme, une parisienne, autrement dit une femme de luxe, fancy woman, dans la version originale. Voilà, c'était une illusion qu'il aurait voulu se donner, une illusion, un échec comme ça qui a pesé sur l'enfant, qui a été Travis, qu'on ne voit pas, et qui a entraîné tout le drame dans le film, et la remémoration, la reprise, la résolution, finalement, puisque tout finit pas absolument bien, mais enfin, il y a quelque chose, en tout cas, qui est réparé dans cette histoire. Et il doit donc revenir jusqu'à ce nom. Et alors, c'est ici que la ville a un sens qui n'est pas du tout strictement physique et spatial, mais représente quelque chose de fortement symbolique. Paris, Texas, c'est rien. Paris, France, c'est la ville, la capitale, le luxe, les parisiennes. C'est-à-dire que dans ce nom, il se concentre tout un imaginaire qu'il s'agit au fond, dans l'histoire du personnage qu'est Travis. Et c'est ça, et bon, et pour le comprendre, il faut quand même suivre toute cette remontée vers son passé et tout ce passage dans l'espace et dans le temps que constitue le film. Il faut analyser cet imaginaire. Vous avez aimé le film de Wim Wenders qui s'appelait Alice dans les villes. Wim Wenders est quelqu'un dont j'ai aimé beaucoup les premiers films, et en particulier Alice dans les villes. J'ai beaucoup aimé Alice dans les villes parce que là, il y a un sens de l'espace, il y a un sens du lieu, il y a un sens du voyage, il y a un sens des moyens de locomotion, il y a un sens de la ville qui est vraiment tout à fait remarquable et qui est, disons, Non, qui est digne d'Antonioni, c'est parce que je trouve qu'il y a un certain rapport avec Antonioni, qui est même supérieur dans un certain cas, en fait. C'est-à-dire qu'il est allé au-delà de ce que Antonioni était un peu, je ne sais pas, enfin, a été un peu plus limité, je ne sais pas par quoi, enfin, un peu plus, peut-être par un certain esthétisme. Enfin, Werner, ça, et peut-être aussi par une plus grande lourdeur de moyens. Enfin, c'est-à-dire que Werner, j'ai l'impression, a fait ce film avec très peu de moyens, et il a montré, il a donné une image de la ville vraiment très extraordinaire. Alors, il y a des personnes qui n'ont pas. Volontairement, qui ne veulent pas donner une idée de la situation des lieux les uns par rapport aux autres. Enfin, qui ne veulent pas donner l'idée de la géographie, qui ne sont pas géographes. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas géographes. Bon, c'est un propos, ils ont ce propos-là, ce n'est pas le mien. Parmi les plus grands, il y a Bresson, certainement. Bresson n'est pas géographe, je ne pense pas qu'il veuille l'être. Et... donc, il y a une idée de la ville chez lui, mais ce n'est pas du tout une idée géographique, c'est tout à fait différent. Et je pourrais le dire aussi. Alors, de Godard, c'est un peu plus différent. Enfin, il y a une géographie chez Godard, enfin, il y en a une, mais elle lui est très personnelle. Enfin, elle ne correspond pas à la géographie telle que le commun pense. Je parle ici des modernes, je pourrais parler des cinéastes comme. Expressionnistes allemands, enfin, qui étaient des géographes comme Fritz Lang, comme Murnau aussi, dans un film qui s'appelle L'Aurore, ben, qui fait sur l'occupation de la ville de la campagne. Je pourrais parler d'Hitchcock aussi, de toute façon. Alors, oui, j'ai vu récemment un film dans lequel je trouve qu'il y a une idée de la ville très intéressante, qui est le film de Daniel Dubrou, qui s'appelle Les Amants Terribles, sur Rome, je sais. Et puis il y a un film qui vient de sortir sur Paris où je trouve qu'il y a une idée également intéressante, peut-être pas géographique absolument, mais enfin une idée de la ville aussi, qui est le film de Zucca qui s'appelle Rouge Gorge. Je trouve qu'il y a également, c'est un film que j'aime beaucoup, enfin, et il y a un côté géographique, c'est certain. Antonioni, c'est un cinéaste qui s'attache à une certaine raréfaction, silence, absence, musicalité raréfiée, comme ça, des signes de la ville. Je sais pas, des films comme L'Éclipse, La Nuit, ou ceux qui ont suivi. Ce sont des films où il s'agit de. Où on montre là quelque chose de tout à fait particulier, c'est une décomposition. Une décomposition qui est propre à la ville. Décomposition du couple, décomposition de l'espace, décomposition des rapports et aussi des décompositions internes des personnages. À laquelle il s'est attaché à donner une existence filmique propre. Alors cette décomposition, elle prend la forme d'une sorte de mélancolie urbaine spécifique. Les personnages d'Antonioni, c'est des personnages qui, en général, sont en train de vivre une sorte de défaite ou de mort intime. Des fêtes du couple, du lien amoureux, des fêtes existentielles plus générales et plus importantes, et la perte comme ça qu'ils vivent, qui se traduit par une déambulation vide, souvent. Enfin, c'est comme ça dans La Note et c'est comme ça dans L'Éclipse. Il y a quelque chose qui prend le relais qui est le film lui-même, la caméra, qui les situe dans un espace plus large qu'eux, mais qui en même temps reflète toute cette décomposition et qui est l'espace même de la ville en mutation, à travers un certain nombre de lieux qui sont choisis pour justement leur qualité de résonance, comme ces barres métalliques du pont que fait résonner Monica Vitti. Toute une musicalité atonale propre, comme ça, qui fait sentir le vide. Mais le vide, du coup, devient une qualité propre du cinéma d'Antonioni et une qualité qui appartient spécifiquement, je crois, à la ville. Georges Sebag. D'une façon générale, la ville n'est pas quelque chose de facile à attraper. Ça ne se représente pas comme ça. Antonioni est un cinéaste qui, d'une façon générale, par exemple, a tendance un peu à faire le vide dans ses films. Il n'y a guère de figurants. C'est-à-dire que les habitants de la ville deviennent presque gênants. Il est difficile. D'ailleurs, je crois que c'est une expérience simple. Une caméra qui se montrerait à peine auprès de passants de n'importe quelle ville du monde serait une caméra où tous les regards se précipiteraient en quelque sorte sur l'écran, sur le spectateur. Et tourner dans la ville, je dirais, c'est presque quelque chose d'impossible. C'est pourquoi la représentation de la ville est une représentation toujours différée, revue, corrigée, transformée. J'ai commencé à écrire. Daniel Dubrou. J'ai commencé à écrire à Deauville. Tiens, ça c'est drôle. Oui, j'ai commencé à écrire à Deauville l'histoire. À Deauville, je pensais à Rome. Et après, j'ai continué et j'ai été à Rome pour continuer à écrire. J'étais à Rome avec Manuela, là, que j'ai emmenée avec moi. Et en même temps que j'écrivais, on repérait les endroits où ça serait bien de tourner telle scène et tout ça. Et puis après, j'ai vu pas mal de gens de cinéma là-bas et tous, ils me disaient « Écoutez, trouvez une autre ville, mais ne tournez pas à Rome. Prenez une autre ville italienne, je sais pas, faites ça à Spoleto, Venise. » Parce que Rome, il faut payer un droit de tournage à la ville qui est très très cher pour chaque ruelle, pour chaque coin de rue. Et il y a la mafia du cinéma qui va vous racketter, et ça, vous y couperez pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a construit Cinecittà, me disaient certains. Et moi, je me disais, mais non, je serais plus maligne que ça. De toute façon, je vais arriver quand même avec une équipe relativement légère. On tournait en 16, bien que le film était gonflé. Mais je me disais, je vais me débrouiller, j'en ai vu d'autres. Vous pensiez passer inaperçu. Voilà, je pensais passer inaperçu, exactement. Mais tout le monde me le disait, hein. Et puis je disais, mais non, mais il n'est pas question que j'aille tourner dans une autre ville. C'est pas pensable. Je tiens à Rome, c'est mon personnage principal. Et j'ai commencé à tourner. J'avais un second assistant italien, et puis j'ai vu en effet qu'il fallait... Bon, ça j'avais fait les permis, en faisant passer le film pour un film documentaire que j'avais appelé Roma Appassionata. Bon, sauf que quand il y avait Michel Placido dans les extérieurs, on devait se dire c'est quand même bizarre un documentaire avec notre vedette italienne. Bon, alors on le cachait, je me souviens quand il y avait la Guardia Civile qui venait, là on le cachait, Placido, dans les quelques scènes où il est... Mais bon, enfin bon, ça j'avais les permis, mais le fameux racket, là, j'ai essayé de m'y soustraire, de ne pas y passer, et je me suis rendu compte que j'avais bien tort, puisque quand on a voulu tourner la première scène en extérieur, de jour, non, c'était de nuit d'ailleurs, il y a eu une bande de types qui sont venus dans la rue, qui ont bouché les rues, qui sont venus hurler sur le plateau, se mettre devant la caméra, chanter des chansons grivoises, enfin bon. C'est les hommes de la mafia du cinéma. Alors, on m'avait donné les coordonnées d'un capogruppo, donc un de ces types qui font partie de cette mafia. Et je l'ai appelé et je lui ai demandé, je lui ai dit, je voudrais vous engager. Je connaissais le code. Et du coup, je l'ai engagé. Et quand il était là, tout allait très bien. Tout était calme. Tout se passait très bien. Alors, voilà. Il fallait le payer tous les jours. Oui, il fallait le payer tous les jours. C'est 500 000 lire, mais après, il m'a fait des prix. Et il a été très utile. C'est-à-dire, d'une part, il n'envoyait pas ses hommes, déjà, puisqu'il était là. Et puis, après, il a été utile. Il m'a amené par exemple, c'est lui qui m'avait amené les jeunes garçons. Là, je voulais des ragazzi, des faubourgs de Rome, enfin, qui soient vraiment authentiques et tout ça. Il m'avait amené... Il était très bien, même. Il avait des idées aussi sur la mise en scène. Il me disait, là, je pense que c'est fort cette scène-là. Par contre, celle-là, faudrait mieux faire comme ça. Enfin bon, il devenait un peu votre guide. Oui, enfin, il a été pas mal. Je me suis très bien entendue avec lui. Mais c'est sûr que si un jour on avait vraiment plus d'argent, je n'avais pas fait appel à ses services puisque c'était ponctuel comme ça chaque jour quand on avait un extérieur, je l'appelais. Et je me suis dit, on va essayer de se passer de Silvano Spalettini. On s'est bien rendu compte qu'on pouvait pas s'en passer parce qu'il y a eu à nouveau les types qui sont venus nous empêcher de tourner, quoi. C'est comme s'ils gardaient la ville. Oui, c'est ça, oui. Et puis, c'est pareil, ils calment. Parce que, comme c'est la ville du cinéma, tout le monde dans cette ville pense qu'il y a beaucoup d'argent à gagner du cinéma. Alors, même sans parler de cette mafia qui est là, si vous plantez votre caméra, et puis qu'il y a un commerçant... Qui est dans le champ, on voit la boutique dans le champ, il va vous dire moi je veux de l'argent, là on voit ma boutique, moi ça c'est un décor, hein, ça vaut de l'argent, ça. Tout le monde essaye de tirer de l'argent. Ils ont conscience que Rome c'est Rome. Oui, que c'est absolument. Oui, leur boutique, leur mur, tout ça c'est très beau et ça vaut de l'argent et qu'ils méritent qu'on leur donne de l'argent, qu'il n'y a aucune raison qu'on ne paye pas, quoi. Qu'on ne paye pas, qui figure dans le décor. Alors, donc quand il y a le capogruppo, il tape sur l'épaule du commerçant, puis il lui donne un petit billet, il s'arrange, puisqu'il est payé, il a une petite cagnotte, comme ça, il tape dans le doigt, va bene, tutto va bene, lascia stare. Et voilà, il calme tout le monde. Ouais. Donc il est ultra utile, ce capogruppo. Vous l'aimez bien, à la fin? Ah oui, je l'aime bien, oui, dans le fond. C'est vrai que je l'aime bien. Non, mais c'est vrai, c'est comme un super assistant. Qui est gardien de la ville, quoi. c'était La ville au cinéma, un mardi du cinéma de Colette Fellous, diffusé la première fois le 12 mars 1985 sur France Culture. Réalisation Claude Giovanetti. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Ma vie qui n'est ni poli ni jolie, il me tape tout le temps. Au début j'aimais bien, mais puis maintenant j'aurais voulu Brett Sinclair. Lui c'est plutôt Adolf Hitler. La chimiothérapie rendit Jean-Mi plus gentil, mais la maladie de Fernand l'a rendu plutôt chiant. Qui peut prévoir comment Nestor réagira pendant sa mort? Mon mari est en nazi, mon mari est un nazi. Ni l'Asie ni l'euthanasie ne seront venus à bout de lui. Il s'est fait maraver les doigts dans une baston au Burkina. J'ai un homme dans ma vie. Jésus s'est crucifort, qu'il s'est fait crucifier. Avec un cruciforme, on n'a pas crucifié. Comment faire confiance à ceux qui sont si pacifiques ici? Amélie a mis la barreau, elle est mingue de la Légion. Il est démingué, il a fui l'armée de l'air à Djibouti, mort à la guerre et de chagrin, de maladie et d'anémie. La pensée unique facilite l'idiotie. Si elle instruit, elle n'induit aucune notion de fantaisie. Si la potion magique détend, alors bois-en et puis va-t'en. L'ami de Monique est maniaque, et comme l'ammoniaque est toxique, Sophie est super asthmatique, son ex-mec est au Mexique. Et pour ceux qui n'ont rien compris, l'ami de Monique est Sophie. Mais comme Monique était au sac, Sophie l'a quitté pour Jean-Jacques. Son bel ex-mec est revenu, il les a surpris tout nus. Mais à Pâques chez Jean-Jacques, ils se sont noyés dans un lac. C'est regrettable. Dans ma vie qui n'est ni poli ni jolie, il me tape tout le temps. Au début j'aimais bien, mais puis maintenant j'aurais voulu Brett Sinclair. Lui c'est plutôt j'ai un homme dans ma vie qui n'est ni poli ni jolie. Il me tape tout le temps. Au début j'aimais bien, mais puis maintenant j'aurais voulu Brett Sinclair. Lui c'est plutôt Adolf Hitler. J'aurais voulu Francis Huster. J'aurais voulu Julien Clerc. J'aurais voulu Michael Brecker. J'aurais voulu Pierre Messmer. Aussi un mec qui finit par R, les habitants Robespierre et Jean-Marc Thibault.